Confiance aveugle. Un homme était allongé dans son lit, gravement malade, proche de la mort. Sa femme, complètement désespérée, appela le médecin. Le médecin examina l'homme scrupuleusement, prit sa tension, lui ouvrit les yeux, lui regarda dans la bouche et dit à sa femme la mine attristée. « Chère madame, malheureusement, je dois vous dire que votre mari est mort. » Au même moment, le malade, tout étonné, lève la tête et gémit. « Non, ma chérie, je suis encore en vie. » À ce moment-là, sa femme lui donna un coup de poing sur la tête et cria. « Tais-toi, le médecin est un spécialiste et il doit bien le savoir. »